Et qui fait une chanson qui s'appelait L'Idiote. Oui, super. Ah, ça c'était bien. Ça c'était pas mal ça. Such a shame to believe in a skill. Life on every face. But I live. It's a shame. Ça j'aimais bien. En 84, il y avait aussi. Phil, écoute les paroles. Comme une masse qui tombe au fond d'une impasse, sans que plus rien n'y fasse. Serre les poings, serre les poings. T'as rien demandé et plus rien à donner. Plus de bras où t'as grippé. Serre les poings, serre les poings. Bravo! Mais je me rappelle pas. Ah, j'ai trouvé un super tube. Salut Elio.